بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue le cours inshallah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله. Et donc l'auteur il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة. Et donc là, l'auteur, il nous parle de Jibril, alayhi salam. Et il nous dit, et certes, il venait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec des apparences différentes. Wa qad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allahu alayha marratayn. Et certes, il l'a vu dans l'apparence que, sur laquelle Allah l'a créé, il l'a vu de cette apparence, avec cette apparence, deux fois. Et certes, il l'a vu avec l'apparence qu'Allah l'a créé deux fois. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril deux fois seulement avec sa vraie apparence sur laquelle il a été créé. Walahu sittumi adjunah. Et certes, il avait 600 ailes. 600 ailes. Rawa dhalika al-Bukhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et donc l'auteur qui nous dit cela a été rapporté par al-Bukhari selon Ibn Mas'ud. رضي الله عنه فهذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته كما قررنا في دروس مضت. Et donc il y a dans ce qu'on vient de citer de la parole de l'auteur le fait, la preuve qui montre que le prophète صلى الله عليه وسلم il a bien vu Jibril sur son apparence sur laquelle, avec son apparence sur laquelle il a été créé, comme on l'a vu dans plusieurs cours précédents. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Et certes, il l'a vu une autre fois. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Et donc auprès de السِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, رَأَ جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ عَلَى سُورَتِهِ. Et donc le prophète, il a vu Jibril deux fois selon son apparence avec laquelle il a été créé. مَرَّةً حِينَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقِ. Une fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a levé les yeux au ciel et Jibril il couvrait donc l'horizon. وَمَرَّةً فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ. Et une autre fois lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé au ciel. وَأَمَّا فِي بَقِيَّةِ الْأَحْوَالِ فَقَدْ رَآهُ فِي سُورَةِ الْبَشَرِ. Par contre, dans les autres situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril avec une apparence d'être humain. وَكَذَلِكَ رَآهُ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et aussi les compagnons, ils ont vu Jibril avec son apparence d'être humain. Youssouf, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les compagnons, ils ont vu Jibril sous une apparence d'homme? T'en as aucune idée? Moi, je dirais oui. Oui. Est-ce que tu connais le hadith de Jibril? Non? Le hadith est Thani. C'est Thani? Aïe, alors, vas-y. Hadith Bina Manah Nujulusun Inda Rasulillah. Aïe, récite à tes frères le hadith al-Sani. Ils ont besoin d'entendre. Attends, plus fort. Les gens ne vont pas entendre. Il y en a, ils sont assis là-bas. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق مليا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتكم يعلمكم دينكم. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير. Donc voilà les frères sans préparation, c'est pour ça que je vous dis, on est dans un grand bienfait ici. Nos enfants qui sont là, qui habitent à côté de la mosquée, ils apprennent la sunna, ils apprennent le Coran. Alhamdulillah, c'est un très grand bienfait. Il faut qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala, leilan wa nahar, jour et nuit pour ce bienfait. Jour et nuit pour ce bienfait. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé. Le hadith de Jibril que vous avez entendu. Donc dans ce hadith, on voit clairement que Jibril il est venu aux compagnons, il est venu donc auprès des compagnons, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence des compagnons, ils l'ont vu avec une apparence d'homme qui avait un kamis d'une blancheur éclatante et qui avait les cheveux très noirs. Là, la yura alayhi atharu safar, on ne voyait sur lui aucune trace de voyage et aucun d'entre nous ne le connaissait. Aucun d'entre nous ne le connaissait. Pourquoi? C'était Jibril alayhi salam. وهذا يدلنا كذلك أيها الإخوة على أهمية خشية الله تعالى. Cela nous montre l'importance de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, qui est capable de faire ce qu'il veut de ses créatures et de leur donner l'apparence qu'il veut. Et nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour cette apparence qu'il nous a donnée. Comme on le cite souvent, on aurait très bien pu être des gens, on aurait très bien pu ramper sur nos ventres, avoir besoin de se déplacer en rampant ou autre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné un corps de la plus belle, nous a accordé, donc il nous a créé de la façon la plus parfaite, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلْ فِي سُورَتِهِ وَلَهُ 600 جُنَاحٍ كُلُّ جُنَاحٍ مِنْهَا سَدَّ الْأُفُقِ يَسْكُتُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَاوِيلِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. Et donc l'auteur il nous dit, rahimahullah, l'imam Ahmed a cité dans son recueil son Abdullah qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril selon son apparence, avec son apparence, et il avait 600 ailes. Et donc chacune de ces ailes couvrait l'horizon. Ça nous montre donc la grandeur déjà de Jibril, la grandeur de cette créature parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de ses ailes tombaient des choses de couleurs différentes, ainsi que des perles et des rubis dont seul Allah connaît. Seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il dit « Isnaduhu qawiyun ». Sa chaîne de transmission est forte. Et les savants, les autres savants aussi qui ont authentifié ce hadith, وَهَذَا يَدُلُّنَا كَذَلِكَ عَلَى عِظَمِ خَلْقِ جِبْرِيلِ. Cela nous montre aussi le caractère grandiose de la création de Jibril. Ensuite, l'auteur, il continue en nous disant, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلِ فِي حُلَّةٍ خَضْرَاءِ وَقَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Et donc l'auteur, rahimahullah, il nous dit, selon Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans une hulla. Une hulla, on a déjà vu dans un autre cours, c'est un vêtement qui est large. C'est un vêtement qui est large. Et donc, une hulla verte. Et certes, Jibril, il remplissait, il couvrait tout ce qu'il y avait entre les cieux et la terre. Rapporté par Muslim. rapporté par Muslim. Et donc, vous connaissez très bien les frères, donc, parmi les traits, parmi les références dans la science du hadith, le livre de l'imam al-Bukhari, al-Sahih, qui est le meilleur livre après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le meilleur livre, les savants nous disent, après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un recueil de hadith. On a aussi le Sahih de l'imam Muslim. Les savants les ont débattus entre les deux recueils, lequel est meilleur. Et ça, c'est un long débat qu'on a déjà abordé dans la mosquée lors de l'explication, lors du séminaire concernant le séminaire sur l'imam al-Bukhari. On avait abordé ce sujet. Ici, l'auteur il nous dit que ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Wa hadha wahmun min al-mu'allif. Et ceci est une erreur que l'auteur il a fait, rahimahullah. Fa hadha al-hadith laysa fi Sahih Muslim. لكنه أخرجه الإمام أحمد وغيره. Cependant, ce hadith il a été cité par l'imam Ahmed rahimahullah dans son recueil, ainsi que d'autres. لكنه صحيح المعنى. Cependant, ce hadith a une signification. Il ce hadith il est صحيح, excusez-moi. لكنه صحيح. Cependant, ce hadith est صحيح. Et il y a dans ce hadith le fait que Allah tabaraka wa ta'ala crée ses Il crée ses créatures comme il le veut. Yakhluku ma yasha. Voilà pourquoi je vous dis, les frères, nous ne devons pas désespérer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Souvent, les gens sont là, mais comment on va faire? On est désespéré, mais la mosquée, et comment tu vas faire? N'aie pas peur. Obéis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, même si toutes les créatures, tous les êtres humains sont contre toi, ne t'inquiète pas. Allah Azza wa Jal ne délaisse pas les croyants. Allah ne délaisse pas les croyants et il a des armées que nous ne voyons pas. C'est important, barakallahu fikoum. Ensuite, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, Walid ibn Jarir, an ibn Abbas, رضي الله عنهما قال جبريل أو جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. Ensuite l'auteur il nous dit selon, et donc Ibn Jarir qui nous rapporte selon Ibn Abbas رضي الله عنهما, qui dit que جبريل أو جبرائيل c'est عبد الله et ميكائيل c'est عبيد الله. La signification de جبريل c'est عبد الله. La signification de Mikaïl, c'est Ubaydullah. Wa kullu ismin fihi il fa huwa Abdullah. Et tout nom dans lequel il y a il, alors ça veut dire Abdullah, c'est-à-dire adorateur d'Allah. Abdullah, serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite l'auteur qui nous dit walahu an Ali ibn al-Hussein mithlahu wa Zaid wa Israfil Abdurrahman. Et aussi selon Ali ibn al-Hussein le même hadith sauf qu'il a rajouté et Israfil qui veut dire Abdurrahman. Et donc ici les significations de ce nom. Ensuite l'auteur qui continue et qui dit وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. Et donc aussi l'auteur qui nous dit, donc الطبراني a cité selon ابن عباس رضي الله عنهما que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, puis-je vous informer du meilleur des anges, جبرائيل. Le meilleur des anges, Jibra'il. Il y a dans ce hadith le fait que Jibril est le meilleur des anges. Et ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu précédemment. Lakin hadha al-hadith fi isnadihi Nafi' ibn Hurmuz. Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith Nafi' ibn Hurmuz. Wa huwa da'if. Et cet homme, il est faible. Cet homme-là n'est pas fiable dans ses transmissions. وحكم عليه الألباني بالوضع. Et l'imam al-Albani, il a jugé que ce hadith, il est mawdou'. Mawdou', c'est-à-dire mawdou', hadith ou mawdou', inventé. L'imam al-Albani, rahimahullah, il a jugé que ce hadith, il est inventé. Pourquoi ? Li'anna Ibn Ma'in kadhaba Nafi' hadha. Parce que Ibn Ma'in, il a dit que Nafi' Ibn Hurmuz est un menteur. Est un menteur. Et donc, les frères, donc, le hadith Maudour, le hadith qu'on juge, les savants vont juger comme un hadith inventé. Il y a plusieurs causes qui vont faire que ce hadith va avoir ce jugement, le fait d'être inventé. Parmi les causes, le fait qu'il y ait un menteur dans la chaîne de transmission. Le fait qu'il y ait un menteur dans la chaîne de transmission. C'est quoi un menteur ? Mais c'est quoi, qu'est-ce qui est voulu lorsque les gens du hadith, ils nous disent « kadhab » et lorsqu'ils nous disent « muttaham bil kadib » Là, on est entré dans la science du hadith un peu là. « Kadhab » Kathratul kadib. Kadhab, c'est un terme qui veut dire qu'il ment beaucoup. D'accord ? Mais dans la science du hadith, c'est pas ça. Dans la science du hadith, une fois... Une fois t'as menti, kadhab. Tabarn, ça c'est obligatoire. Sinon les savants ils vont pas dire ça. Ils vont pas dire ça. Quand est-ce qu'ils vont dire kadhab sur une personne et quand est-ce qu'ils vont dire mutahem bil kadhib? Ils vont dire kadhab s'il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça a été cité, les savants du hadith qui faisait des voyages pour aller enquêter sur des personnes. Il entend un hadith qui est étrange. Alors il voyage. Il voyage, il dit, qui t'a rapporté ce hadith-là ? C'est un tel. Il voyage, il va voir la personne. Est-ce que tu as rapporté le hadith à un tel ? Oui. Mais tu l'as pris de qui ? De un tel. Il voyage, de qui t'as pris ? Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin, ce hadith-là, est-ce que tu l'as rapporté ? Oui, oui, c'est vrai. Tu l'as entendu de qui ? C'est moi, je l'ai inventé pour... Parce que pour inciter les gens à faire Qiyamel Leil ou pour inciter les gens à faire telle chose, etc., etc. Kadhab, c'est fini. Et donc il dit, si tu as menti une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pour qu'il te dise kadhab. Muttaham bil kadhib. C'est quoi muttaham bil kadhib? Muttaham, c'est suspicion de mensonge. Muttaham, il est suspect d'avoir menti. D'accord? Quand est-ce qu'ils vont dire Muttaham bil Kadhib ? C'est quand cette personne, elle a menti dans des sujets mondains. Une personne, elle a menti dans des sujets mondains. Ouais, j'ai fait ça, alors qu'il ne l'a pas fait. Oui, si tu fais ça, etc. Et c'est pas vrai. Sujet mondain. Ils vont dire suspect de mensonge. Pourquoi ? Parce que s'il ment sur les sujets mondains, concernant les trucs de la dunya, qu'est-ce qui va empêcher qu'il ment sur le prophète ? Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour ça, c'est en son cas, il est suspect. Lorsqu'il y a une personne comme ça dans les chaînes de transmission, ce sont les chaînes de transmission les plus faibles. Jamais acceptées. Ce n'est pas accepté chez les gens du hadith. Donc ce hadith, il est faible. Cependant, la signification, elle est correcte. Zakaratil ulama anna Jibril afdalul malaika. Les savants, ils ont cité que Jibril est le meilleur des anges. Et ça, on l'a vu. Fait quand ikhtassahullahu tabaraka wa ta'ala bil wahyi. Allah tabaraka wa ta'ala l'a chargé à lui de façon spécifique la transmission de la révélation. La transmission de la révélation par laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala guide ses serviteurs. On l'a déjà vu lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala aime quelqu'un, la première personne à qui il en informe, le premier à qui il en informe, c'est Jibril, alayhi salam. Ensuite, après cela, Jibril, il informe les autres anges. Les autres anges. Et c'est pour ça que dans la langue française aussi, on a le fait de dire archange, l'archange Gabriel, c'est-à-dire le leader des anges. Le leader des anges, donc Gabriel, ce qui est voulu par là, c'est Jibril, alayhi salam. Il y avait un autre hadith que je voulais prendre aussi, mais on va le garder pour la semaine prochaine, inshallah ta'ala. C'est un sujet important, j'aimerais pas le faire de façon...